Mademoiselle, dites-moi vraiment ce qui s'est passé. C'était un voisin si charmant, si gentil. Il avait l'assurance d'un homme accompli. Il avait les mots pour nous faire sourire. Quand on lui confiait nos cœurs en débris, il me disait souvent qu'avec sa femme, il vivait l'enfer et que tout allait mal. Qu'il avait prévu de bientôt la quitter. Mais ce soir j'ai compris qu'il nous mentait. Sa femme est rentrée plus tôt du boulot. En ouvrant la porte, sa vie a basculé. Les larmes aux yeux, elle se met à crier. Que fait-elle dans mon lit déshabillé? Il se lève du lit pour aller la calmer. Elle prend son sac et se met à le frapper. Il tombe au sol et elle se met à hurler. Je te souhaite tout le malheur du monde. Que mes douleurs te suivent jusqu'à la tombe. Oh, oh, oh, oh. Pour payer tout le mal que tu m'as fait, tu ne m'auras plus avec tes beaux discours. Ce soir j'encaisse plus mais je rends les coups. Oh, oh, oh, oh. Pourtant si tu savais combien moi je t'aimais. Oui pourtant si tu savais. Oui pourtant si tu savais. Oui pourtant si tu savais. Si tu savais combien moi je t'aimais. Oui pourtant si tu savais. Oui pourtant si tu savais. Oui pourtant si tu savais. Pour payer tout le mal que tu m'as fait. C'était une voisine si charmante, si gentille. Elle avait toute une femme épanouie. Elle avait les mots pour nous réconforter. Quand on lui confiait nos cœurs brisés, elle me disait souvent qu'avec son homme, elle vivait le bonheur à chaque seconde. Qu'elle avait prévu de bientôt se marier. Mais ce soir j'ai compris qu'il lui mentait. Elle est rentrée un peu plus tôt du boulot. En ouvrant la chambre, sa vie a basculé. Les larmes aux yeux, elle se met à crier. Que fait-elle dans mon lit déshabillé? Il se lève du lit pour aller la calmer. Elle prend son sac, elle se met à le frapper. Il tombe au sol. Elle se met à hurler. Je te souhaite tout le malheur du monde. Que mes douleurs te suivent jusqu'à la tombe. Oh, oh, oh, oh. Pour payer tout le mal que tu m'as fait, tu ne mourras plus avec tes beaux discours. Ce soir j'encaisse plus mais je rends les coups. Oh, oh, oh, oh. Pourtant si tu savais combien moi je t'aimais. Oui pourtant si tu savais. Oui pourtant si tu savais. Oui pourtant si tu savais. Si tu savais combien moi je t'aimais. Oui pourtant si tu savais. Oui pourtant si tu savais. Oui pourtant si tu savais. Pour payer tout le mal que tu m'as fait. Et moi j'étais la voisine si gentille. J'avais tout d'une femme un peu fragile. Sur le palier j'aimais lui partager les débris de mon petit cœur brisé. Il avait toujours les mots pour me soigner. Il me disait aussi que je le soignais. Il a fini par me dire qu'il m'aimait. Mais ce soir j'ai compris que je me mentais. Sa femme est rentrée plus tôt du boulot. En ouvrant la chambre sa vie a basculé. Horrifiée elle se met à me crier. Que fais-tu dans mon lit déshabillé? Il se lève du lit pour aller la calmer. Elle prend son sac et se met à le frapper. Il tombe au sol, elle se met à me hurler. Je te souhaite tout le malheur du monde. Que mes douleurs te suivent jusqu'à la tombe. Pour payer tout le mal que tu m'as fait, tu ne mourras plus avec tes beaux discours. Ce soir j'encaisse plus mais je rends les coups. Oh, oh, oh, oh. Pourtant si tu savais combien moi je t'aimais. Oui pourtant si tu savais. Oui pourtant si tu savais.